plusieurs reprises tendu la mano du fil barbelé. C'est tout ce qu'on me tend. Donne-leur du pain, du vin, des jeux. Ces fils d'abrutis sont tous contents d'une terre stérile. Devenir un homme de bien, ça revient à trahir mon clan. Y'a des fanatiques et des fanatiques et des fanatiques. Choisis ton camp. À leurs yeux, je suis un coupable. Comme si j'avais fait Sharon Tate. Chaque jour, chaussures de marque anglaise. Il me faut comme le siège de Marc Aurèle. Pragmatisme de spartiate, j'en tue un plutôt qu'un autre. J'ai mauvais caractère comme papa. Le tien n'est pas là, c'est pas de ma faute. Peu de choses m'attendrissent, dis-moi quand est-ce qu'ils cannent. Je les aurais tous vaincus sous le tonnerre comme Gengis Khan. Ma raison l'a toujours emporté sur ce que j'ai dans le cœur, sois sans crainte. Et j'ai peur quand j'entends la sirène comme en 39-45. Je suis un visage pâle, c'est vrai, pour ça tu veux me faire porter le chapeau. Tous les crânes rasés n'ont pas svastika sur le drapeau. Du mal à trouver ma place comme un photographe sur le battlefield. Je suis dans une vague froide comme si j'ai grandi à Macclesfield. Seul dans la cahier, je suis le reflet de tout ce qui chez eux n'est pas fini. Bientôt l'arme à gauche, fais pas ce que je fais pas, tu connaîtras tes limites. Dans les souterrains, je suis vilain et chauve, tu peux m'appeler le Kingpin. SO le flemme, SO Dream Team, sur l'échafaud je suis le bourreau, la victime. Train de vie, spécial, injection, létale, carbone, métal, comprimé, sécable, sacré, profane, sédentaire, nomade. J'ai peur du ciel, la mer est trop calme. J'irai là où la nuit dure 6 mois, mon garçon sera un Ragnarsson. Je suis devenu quelqu'un dans la prohibition comme Al Capone. Si je peux te donner un conseil, médite un peu et ferme ta gueule. J'ai compris au coteau, ma rage est vive et presque aveugle. J'espère qu'après c'est fini, fuck une métempsychose. Je ne suis pas malveillant mais je porte une méchante psychose. La vérité c'est que j'ai perdu foi en les hommes depuis 96. J'ai été nommé après Amédée Knight, j'ai quelques racines aux Antilles. Personne pour m'aider quand j'étais acculé. Toujours un sol en baisse, les yeux enculés. Je marche tout droit, eux courent à reculons. Meilleur que ton père, je suis pas immaculé. Avant le pleurage, j'avais déjà groupi. On fait l'histoire pendant que tu roupies. S'avance son âme pour une poignée de roupies. Plutôt trimé que de mourir accroupi. Train de vie, spécial, injection,